أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. إذن كنا تكلمنا عن الغسل اللي هو طهارة الكبرى لصحة الصلاة من الجنابة ومن الحيض والنفاس، وهو قلنا شرط للصلاة، ولكن يجوز الإنسان يخرج جنب ويرجع ويغتسل للصلاة. إذن هو فرض الغسل للصلاة. وقلنا المرأة اللي عندها الحيض لا تمكث في المسجد ولا تلمس القرآن، ولكن يجوز تطبخ الطعام الأكل وتذبح حتى الخروف، هذا جائز. لكن هاي بعيد يغسل سويت على جنابة على سورتي دو ماني ليكيد اي سويت على la fin des menstrues, des lochies, après l'accouchement et l'accouchement. Et le rapport conjugal, bien sûr. Et ça, c'est obligatoire pour la prière. Sinon, on a dit que quelqu'un peut sortir sans le ghusl et revenir et faire le ghusl, faire la prière. Et la femme qui n'a pas les, qui a les menstrues, elle ne touche pas le Coran, elle ne reste pas dans la mosquée, mais elle peut parler aux gens, elle peut faire les invocations, toucher des livres de hadith. Elle peut faire manger, c'est pas comme disent certains, certains non-musulmans, ils disent qu'elle ne touche rien, sinon ça devient impur. Et on a vu les preuves, bien sûr, sur Aïcha, comment elle avait les menstrues et elle peignait les cheveux du prophète. « Tussarrah sha'ra al-Nabi Aïcha wa hiya ha'id »« Wa yaqra al-Qur'an wa mustanad li Aïcha » alayhi sallatu wassalam « wa hiya ha'id » Et le prophète, il récitait le Coran, il était appuyé sur Aïcha et elle avait les menstrues. Donc, il ne faut pas exagérer dans la religion. La yambari l'ghulu fid din mujawaz l'had shara'i zid min indihi l'insan. L'exagération, c'est que la personne rajoute des choses de lui-même. Wa qulna le كذلك سنن رأينا كيفاش الغسل ينوي الطهارة الكبرى مي لا غوندا لانتونسيون دو فير لا غوندا ابليسيون il avait tout le corps avec de l'eau pure. يغسل كل البدن بالماء الطاهر او في البحر كذلك dans la mer aussi c'est valable parce que c'est pure la mer. سنة عندما ينزع الثياب يقول بسم الله الذي لا اله الا هو بسم الله الذي لا إله إلا هو حتى يكون ستر عن أعين الجن. Donc c'est bien de dire بسم الله الذي لا إله إلا هو quand tu vas enlever les vêtements, comme ça ça voile les djinns. بسم الله الذي لا إله إلا هو إلا هو بسم الله الذي لا إله إلا هو. Donc tu dis ça quand tu vas enlever les vêtements. إذن ومهم شيء يعني حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام لا يبولن أحدكم في مغتسله. يعني حذرنا من أن الإنسان يبول في المكان الذي يغتسل فيه، هذا يصيبه الجن، قد يجن قد كذا تصيبه الجن. لا يبول في المكان الذي يغتسل فيه في الحديث هذا. Donc le prophète il a mis en garde contre une chose aussi que certains ils peuvent faire, c'est uriner là où on fait la grande ablution. Il a dit que ça, c'est une cause que les djinns peuvent t'attaquer et tu peux devenir fou. Donc ne pas uriner là où tu fais la grande ablution. Rasoul hadhar min hada, le prophète il a mis en garde contre ça dans le hadith. Rasoul hadhar man insan yaqdi al haja, yani yaqul fi al makan alladhi yaghtasil fihi. لأنه قد يصيبه الجن. لأن هذه من أداب الغسل ومن أدابها تقليل الماء. سنة يقلل من الماء. C'est recommandé de utiliser peu d'eau. Utiliser peu d'eau aussi c'est recommandé. Donc c'est bien, par exemple, comme on fait, comme ils font dans le pays musulman, ils mettent un récipient et ils se servent de l'eau. C'est mieux que de laisser couler à flot comme ça. Le gaspillage, c'est pas bien en islam. Yani ahsan, mithl ma amlou fi lad muslimi, abbi ina, ou ba'd yaghraf, yaghtasal bihi, hatta ma yabadharch. تبذير مكروه في الدين يكره يبذر الإنسان donc c'est pas bien de gaspiller. يعني بعض الناس يسأل يقول لك هل إذا اغتسلت نقدر نصلي مباشرة؟ إذا إنسان اغتسل يعني فعل السنة اللي هي ذكرناها البارحة أنه يغسل يعني يغسل ذكره بعد يعني القبل والدبر وبعد لا معاش يمس يكف عن المس ويغسل ويتوضا ويغتسل يفعل السنة يعني يقدر هنا يصلي مباشرة. أما إذا أثناء الغسل لمس الذكر أو الدبر ببطن الكف هذا يبطل الوضوء. هذا بعد ما أو خرج له ريح في أثناء الغسل هذا بعد ما يكمل الغسل يتوضأ للصلاة. أما إذا اغتسل وما لم يفعل ما يبطل الوضوء من خروج ريح أو لمس الذكر هنا يقدر يصلي مباشرة. Donc la question que beaucoup posent est-ce que je peux faire la prière directement après le ghusl? Alors s'il a fait la sunna comme on a dit il a lavé les parties intimes d'abord. Après, il ne les touche plus, il fait le wudu, et puis la grande ablution, comme on a expliqué, la tête, la partie droite, devant, derrière, partie gauche, devant, derrière, les pieds. Là, il peut faire la prière directement. Mais s'il a fait quelque chose qui annule le wudu, il doit refaire. Si pendant le ghusl, il a eu un gaz, ou il a touché la partie intime avec le plat de la main, là, il refait le wudu. Mais s'il n'a pas touché, il a lavé au début, comme on a dit, la sunna, et puis il a fait le ghusl, il n'a plus touché. Là, il peut faire la prière. Donc le mieux, c'est laver les parties intimes, après faire le ghusl. Le reste, quoi. Wa yantabah li isal, khassan idha insan kan shouya, comme on dit, عنده السمن, yantabah, yassal ma kul hadhi al-ma'atif ou kada. C'est quelqu'un, il est un peu corpulent, donc il fait attention que l'eau, il arrive tout. Les replis, qu'il y a peut-être des replis, etc. C'est quelqu'un, il est un peu fort. Il fait attention que l'eau, il arrive partout. Toute la partie apparente. Donc il faut même la partie apparente des parties intimes, il faut le laver. Hatta le qubul wa dubur la bouda yaghtasalhum. اللحية إذا كانت كثيفة يغسلها كل هذا الغسل اللي هو مهم للصلاة اللي هي أفضل الأعمال. Ça c'est la grande ambition qui est importante pour la prière. والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد الطاهر الأمين اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.